Qui est-ce ? C'est Alberto Ferro. Alberto ? Il est italien ? Oui. Et elle ? C'est Lucie. Elle est française.